fini. Un chagrin d'amour, c'est réapprendre à avoir à sourire, à aimer. C'est lui dire simplement bonjour quand t'auras envie de l'embrasser. C'est regarder par la fenêtre et attendre celui qui ne viendra pas. C'est espérer en attendant quelque part. Non! Un chagrin d'amour, c'est le dernier rendez-vous qui t'a semblé si merveilleux. C'est des étoiles qui reflétaient dans tes yeux. C'est un beau clair de lune que tu ne voudrais pas voir. C'est vouloir mais ne jamais pouvoir. D'amour, c'est écouter une chanson qui fredonnait. C'est l'aimer malgré le mal qui le fait. C'est faire semblant de croire que la vie continue. C'est chercher l'amour là où il n'y a plus. C'est fini. Un chagrin d'amour, c'est de ne plus être capable de regarder des amoureux. C'est de rire avec les larmes aux yeux. C'est la différence que ça s'installe en toi. C'est ce soin de l'attente comme une autre fois. Autre fois. C'est fini. Compte pas les heures. Un chagrin d'amour, c'est le regarder sans pouvoir le toucher. C'est rêver à nous sans jamais exister. C'est un roman qu'on a déjà lu. C'est un soleil qui brillera plus. Silence, tu pleures. Ouais.